Nazareth par Pierre Loti. Nous nous engageons dans ces coteaux où nous devons trouver Nazareth. Nos chevaux, sortis enfin des terres grasses et mouillées d'esdre long où s'enfonçaient leurs pieds, trottent maintenant sur des pentes rocheuses, embaumées de menthe et de toutes sortes d'aromates. Sur ce sol changé, des plantes différentes nous entourent, des plantes nouvelles, de beaux lins roses à corolle très large et une fleur dont le jaune soufre rappelle la teinte de nos pâles primevères occidentales. Pendant bien des jours, nous allons vivre à présent au milieu de ces fleurs-là, qui étendent sur les tristes champs abandonnés de Galilée un tapis immense, nuancé à l'infini du même jaune et du même rose. Il y a une demi-heure environ que nos chevaux montent, lorsque Nazareth, encore un peu lointaine, se découvre à nous. Une bourgade mélancolique, étagée à mi-côte et enfermée, presque sans vue, dominée de partout par des hauteurs pierreuses. Des monastères, des églises, des cyprès. Sur les maisons, beaucoup plus de toitures en tuiles rouges que de terrasses arabes, Nazareth, contrairement à Jenin, étant surtout peuplée de chrétiens. La plaine d'Esdrelon, la mer d'herbage que nous avons laissée au-dessous de nous, pénètre jusqu'ici comme dans une sorte de petit golfe fermé, vient étendre au pied de cette patrie de Jésus une immobile nappe verte. Et depuis des siècles, c'est tout ce que regarde l'antique Nazareth, ses bas-fonds tapissés d'orge, ses champs resserrés entre d'arides collines. Au bord du chemin, un rocher s'avance comme un toit, forme une sorte de petite caverne qui, depuis des temps incalculables probablement, sert aux passants d'abri contre la pluie ou le soleil. La voûte en est toute noircie par les feux des bergers. Nous nous arrêtons là, nous aussi, pour y prendre à l'ombre le dîner du milieu du jour, en attendant que passent nos mulets de charge, attardés dans les terres molles de la plaine. Et sitôt que nos tapis d'Orient sont étendus sur le sol de la grotte, cela devient un charmant lieu de repos et de songe. Les contours de l'espèce de baie de pierre sont tout liserés d'anémones rouges qui, vu de l'ombre où nous sommes, éclatent au soleil comme du feu. Et par cette ouverture bordée de fleurs, nous dominons un pays de fleurs, des lointains de fleurs. Un revêtement de lin rose est jeté sur les tranquilles montagnes qui s'étendent devant nous, immuables depuis les âges historiques, et jadis sans doute longuement contemplés par Jésus. Nos mulets tardent 2 heures, 2 heures exquises que nous passons là, les attendre, errant au hasard, nous asseyons sur des pierres, nous étendant sur des lits d'herbe, aux environs de la grotte où notre quartier général est établi. Des roches nous cachent à peu près Nazareth, qui demeure assez lointaine, assez imprécise encore, et auréolée à distance de toute la magie de son nom, rien que le paysage seul, le paysage presque éternel qui fut familier à l'enfance du Christ. Au fond de ce golfe sans eau, que Nazareth regarde si tristement, le velours uni des blés et des orges est d'un vert intense, mais partout ailleurs, sur les régions hautes d'alentour, une même teinte discrète est répandue. Des affleurements de pierres grises alternent avec les plantes délicates des lieux secs, lin rose ou fleurs pâles couleur de soufre, au-dessus desquelles des myriades de très fines graminées jettent comme un immense voile de mousseline. Et pas un arbre ne vient rompre la monotonie de ces plans de montagne, qui n'ont du reste aucune forme heurtée, dont les courbes sont adoucies comme les nuances. Au-delà des nappes vertes, qui simulent à nos pieds une eau profonde, sur le versant de la baie opposée au nôtre, pèsent des troupeaux de chèvres, lentes traînées noires, dirait-on d'où nous sommes, qui se déplacent en ondulant, qui peu à peu descendent toutes, comme si elles coulaient, vers les orges d'en bas. De temps à autre, les bergers les appellent et nous entendons au loin l'écho prolongé de leurs cris. Ou bien ils jouent du pipeau, et alors une petite ritournelle sauvage, un petit hurle-tutu naïvement plaintif monte jusqu'à nous, au milieu du silence de ce lieu presque saint. Le Tabor élève là-bas sa cime un peu bleuie par la distance, et à l'extrême horizon s'esquissent les monts de Galade. L'air est suave et léger, de tout petits souffles passent, sans froid et sans chaleur, idéalement purs. Et c'est en ce recoin pastoral de la terre que Jésus, il y aura tantôt 2000 ans, croissait en sagesse, en âge et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il a connu le printemps d'ici, les tièdes d'avril pareils à ceux qui nous charment à cette heure, les mêmes tapis de lin rose et de fines graminées. Notre pensée en ce moment et en ce lieu est hantée par le mystère de sa rêveuse enfance, mystère encore plus fermé peut-être à notre pénétration humaine que celui de sa vie d'homme, dont un reflet au moins a été transmis jusqu'à nous par les évangélistes. De cette enfance insondable, Saint Luc est le seul qui nous ait dit quelques mots vagues, commençant à peine en effleurer l'énigme. Après avoir conté l'étrange anecdote du temple de Jérusalem, la fuite de ce petit Jésus de 12 ans pour aller interroger les docteurs, puis l'inquiétude et les reproches tendres de sa mère, il ajoute, adorablement simple, « Il s'en alla ensuite avec ses parents et revint à Nazareth, et il leur était soumis. » Or, sa mère conservait dans son cœur toutes ces choses. Luc 2, 51-52. En esprit, nous voyons maintenant apparaître, se préciser sur ce vieux immeuble sol de pierre et de fleurs, un enfant, non plus blond et rose, comme celui dont le Moyen-Âge nous a légué la tradition, mais brun et pâle, ayant les longs yeux noirs de sa race, dans lesquels déjà se mêlent et resplendissent ensemble le grand amour et la grande angoisse. Il différait peu, sans doute, cet enfant qui fut le Christ, de ses petits pâtres, de ces petits garçons solitaires au regard grave, comme on en rencontre dans les champs de Palestine, et qui semblent réfléchir à des choses profondes. Presque avec l'inquiétude d'être puéril ou même d'être profanateur, nous songeons à ce qu'était son aspect, ses humbles petits costumes et ses jeux, ses promenades, et ses haltes ici même, peut-être, au bord du chemin de Jérusalem, sous ces rochers qui nous abritaient tout à l'heure. La lumière du ciel, à mesure que le jour s'avance, va de plus en plus s'adoucissant. Un soleil atténué éclaire les tranquilles montagnes sur lesquelles tant de lins roses et de fleurs jaunes pâles tracent à l'infini leur marbrure de deux teintes exquises, fondues sous le voile roux de graminées. Et il y a un tel recueillement partout, en nous-mêmes comme dans le temple immense de la campagne, que sur la fin de nos heures d'attente, la petite ritournelle antique des chalumeaux de berger, toujours intermittente et grêle dans l'air silencieux, arrive à nous sembler une musique religieuse. Quand nos mulets sont enfin passés et ont pris assez d'avance pour que nous espérions trouver en y arrivant nos tentes montées, nous nous décidons à entrer à Nazareth. Et là, c'est d'abord la déception dont nous avions peur. Une petite ville semi-orientale, trop modernisée, où les couvents, les églises ont à peine l'air ancien. Nous y pénétrons par une rue assez large qui sépare le quartier des Latins de celui des musulmans. Sur les murs de quelques maisonnettes, à contrevent bleu ou vert, se lisent des enseignes d'hôtellerie. Une caravane est là, arrêtée, et il y a même 2 ou 3 attelages de touristes venus par la route à peu près possible qui relie Nazareth à Caïfa. C'était imprévu, ces voitures, pour que nous arrivions à travers champs, par les vénérables chemins de Sichem et de Bethel, familiers à l'enfance de Jésus lors de ses pèlerinages annuels à Jérusalem. D'ailleurs, il doit rester ici bien peu de choses de la bourgade de jadis, qui fut si hostile au Christ et qui, en son temps, était si dédaigné. Son nom seul demeure, ce nom qui est pour les Arabes d'aujourd'hui un terme général de mépris, servant à désigner les chrétiens. Nazaréen. Dans le sombre Maghreb, je me rappelle avoir été souvent nommé ainsi, et avec quelle nuance hautaine. Après le Christ, Nazareth, comme on sait, continua d'être obscure jusqu'à l'époque de Constantin, où elle vit les premiers pèlerinages et les premières églises. Plus tard, pendant la longue tourmente des croisades, elle reçut Tancrède, Saladin, puis Saint-Louis. Détruite enfin à la chute de l'Empire des Francs, elle fut déserte pendant près de 4 siècles, jusqu'aux époques plus tolérantes où les musulmans commencèrent à permettre aux chrétiens d'y revenir et d'y relever les ruines de leurs sanctuaires. Elle est actuellement peuplée de 8 ou 10 000 âmes, dont les 2/3 au moins appartiennent aux diverses confessions chrétiennes, mais les juifs, en mémoire du forfait ancestral, ont interdiction d'y paraître. Nous entrons en passant dans l'église franciscaine, agrandie et réparée à neuf avec un mauvais goût notoire, sur l'emplacement de la basilique primitive. Derrière l'autel, de tristes petits souterrains, assez semblables aujourd'hui à des chambres sépulcrales, sont adorés depuis des siècles comme ayant été la maison de Joseph et de Marie. Ailleurs, dans le quartier musulman, un débris de mur sous une chapelle représente l'atelier de Saint-Joseph. Tout cela, bien qu'authentique peut-être, est défiguré, ne dit plus rien. Et nous laissons d'autres lieux encore que des traditions plus contestables désignent à la piété des foules. Il nous tarde d'être à demain, pour voir enfin les bords déserts de ce lac de Génézareth, qui fut la patrie d'adoption de Jésus, l'ardent et mystérieux berceau de l'épopée chrétienne. Le long de la petite rue poudreuse que nous continuons de suivre après ses arrêts aux églises, s'ouvrent surtout des boutiques de sellerie où l'on vend des harnais gaiement peinturlurés dans le goût oriental. Au-dessus des murs bas des jardins apparaissent des figuiers, des grenadiers, des palmiers que des vignes enlacent. Pas de rues obscures et voûtées, pas de farouches grillages aux fenêtres, comme dans les vieilles villes de l'islam. Les rares passants, vêtus de longues robes et coiffés de fez rouges, ont la figure jolie, l'air très doux, le sourire ouvert. Nazareth, en somme, malgré la banalité de ses petits monuments et de ses rues, a je ne sais quel attrait accueillant et bon qui nous repose du grand charme morne des villes musulmanes. Notre campement est au-dessus du quartier des Grecs, au bord de la route de Tibériade et au milieu des vergers enclos de cactus, sur un sol couvert de graminées courtes, sur un terrain sec, très propice aux nomades. Nous dominons là les tranquilles maisonnettes et les jardins verts, les couvents et les cyprès. Alentour et au loin, se déploient les montagnes unies et parées sous leurs minces tapis de fleurs. Et le délicieux soir descend sur nous, le crépuscule commence, à la fois limpide et indécis, fondant comme avec une estompe les détails transitoires de la terre, n'en laissant que les grandes lignes immuables. L'instant présent, le siècle autant que l'heure, nous semble bientôt perdu dans une sorte de vague synthèse des durées. Comment doivent concevoir ces choses quasi éternelles qui sont les montagnes, les roches, les pierres des temples antiques, ou les souches des plantes renouvelées indéfiniment? Et dans cette fusion des âges, alors c'est l'époque du grand souvenir qui s'impose et qui prime. Le Christ peu à peu nous réapparaît, comme tantôt dans les champs de fleurs jaunes pâles et de la rose. De nouveau, il se précise humainement aux yeux de notre esprit attentif. Souvent, dans ses rêveries des soirs, il a dû se tenir ici, sur ces hauteurs couronnant sa bourgade isolée, et contempler ces mêmes horizons, promener longuement sa vue sur ces mêmes aspects. Les aima-t-il ? Est-ce qu'il lui place pour l'attachement humain au sol natal, dans son âme emplie de conceptions tellement plus vastes que nos idées de patrie qui nous paraissent grandes ? La Nazareth de son temps, qui fut pour lui aveuglément dure, parce qu'il était un enfant du pays et qu'il le chassa, sans doute il ne pouvait pas s'y être attaché. Mais à ces montagnes peut-être, à ces mélancoliques étendues, veloutées d'herbes et de lin. D'ailleurs, le mystère des sentiments terrestres de Jésus demeure enseveli pour nous sous des cendres profondes, et parce qu'il nous a embrassés tous dans le même immense amour et la même infinie pitié, nous ne savons pas nous le représenter particularisant, comme chacun de nous, son affection sur des êtres ou sur des choses. Ses parents, il est vrai, et ses frères semblent l'avoir d'abord méconnu, comme toujours il arrive, et n'être revenu à lui qu'à la suite de l'adoration des multitudes étrangères. Mais l'amitié, l'amitié telle que les plus simples d'entre nous la comprennent, lui était habituelle, car souvent dans l'Évangile cette phrase douce est répétée, le disciple que Jésus aimait. Nous savons aussi qu'il recherchait le calme des campagnes, qu'il allait se recueillir et prier sur les cimes solitaires. Alors, comment ne se serait-il pas attaché à celle d'ici, qui en ce moment même s'assombrissent de tous côtés sous nos yeux. Lui, il est vrai, qui entrevoyait au-delà de sa durée terrestre des survivances et des gloires infinies, ne pouvait éprouver notre mélancolique et presque maladif amour pour le recoin natal, pour les lieux toujours connus ou habités longuement. Car cet amour-là n'est qu'une forme du sentiment de notre fragilité, une suite de la détresse où nous jette la loi de passer si vite et de finir. Mais qui sait pourtant? Au Gethsémané, sur le Golgotha, quand valeur d'épouvante ou tout ce qui était humain en lui s'angoissa, peut-être revit-il dans sa rêverie dernière, comme eût fait le moindre d'entre nous, les montagnes familières à son enfance, le triste golfe d'herbage au bord de la plaine d'Esdrelon, et les hauts pâturages tranquilles où s'entendait, pendant les soirs d'autrefois comme aujourd'hui, le rappel des chèvres au chalumeau des vergers, toutes les choses enfin que nous contemplons là devant nous, de plus en plus obscurcies, réduite à des silhouettes d'ombre et sans âge à présent, pareil à ce qu'elle devait être il y a 2000 années. La nuit, tout à fait tombée, quand nous sommes assis sous nos tentes, des Nazaréens et des Nazaréennes arrivent, les uns après les autres, soulevant discrètement notre porte de toile après avoir demandé la permission d'entrer. Les hommes, pour nous vendre des vases de verre irisé trouvés dans des tombeaux, les femmes, toutes jolies, pour nous offrir des petits voiles de mousseline brodés par elles d'après des traditions de dessin particulières à ce pays. Ils sont chrétiens, les vendeurs et les vendeuses. Il y a dans leur manière, je ne sais quoi d'aimable, de franc, de presque fraternel, pourrait-on dire, qui nous change des continuels marchandages et du prix chez les juifs des bazars levantins. Cependant, une clarté de plus en plus blanche resplendit au dehors, et nous sortons pour voir un peu, avant de nous endormir, la grande pleine lune éclairer la campagne. Elle est toute en argent et rayonne avec une tranquillité infinie. Une fois de plus, elle est venue, avec sa régularité d'horloge, apporter à ce pays cet éclat périodique très spécial, cet aspect à la fois vague et étrangement précis, qui au temps du Christ était déjà connu des hommes depuis des millénaires sans nombre. De Nazareth, endormi à nos pieds, monte vers nous la clameur des chiens errants, qui est le bruit continuel des nuits de l'Orient. Mais nous n'entendons pas chanter les muezzines, car nous sommes ici sur une terre presque chrétienne. Ainsi s'achève Nazareth par Pierre Loti.